Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un papier que j'ai intitulé « Trajectoire de conversion à une institution qui n'accepte jamais de l'être. Éthique de soi et service altruiste chez les militants du mouvement musulman transnational de Fethullah Gülen ». Donc en deux mots, le mouvement Gülen, je vais revenir là-dessus au fur et à mesure, c'est un mouvement musulman d'origine turque qui s'est transnationalisé qui est apparu dans la fin des années 60 en Turquie et qui s'est étendu à l'international à partir de la fin des années 80, début des années 90, et qui était jusqu'à il y a un an ou deux implanté dans près de 120 pays avec des disciples qui sont implantés, ont ouvert des écoles dans une centaine de pays maintenant, puisque ça a fermé dans un certain nombre de pays. Donc, historiquement, ce mouvement Gülen a subi en Turquie, depuis son émergence donc à la fin des années 60, en raison de spécificités historiques que j'expliquerai pas ici, une alternance de phases de répression politique extrêmement violente et de phases de tolérance. Donc en Turquie, voilà, c'est un mouvement qui a toujours dû passer entre les gouttes, comme on dit. La dernière illustration de cette instabilité de l'acceptation du mouvement Gülen, c'est ce qui se passe en Turquie actuellement, hein, puisque le mouvement Gülen est très violemment réprimé par le gouvernement de l'AKP. Il a été accusé d'avoir fomenté le coup d'État avorté du 15 juillet 2016, après des années où, de fait, l'AKP et le mouvement Gülen avaient été alliés, que ce soit en Turquie ou à l'étranger, dans la politique étrangère, pendant des années de collaboration très proche. Donc, en tout cas, de cette instabilité historique de l'acceptation du mouvement Gülen en Turquie découle des modalités spécifiques d'organisation du mouvement Gülen, qui est un mouvement qui circule entre sphère publique et sphère privée, qui alterne entre phase de visibilisation et phase d'invisibilisation, ce qui donne aussi un caractère insaisissable au groupe transnational en tant que tel, en tant que groupe. Et donc, de cela découle une caractéristique première, deux caractéristiques principales, l'informalité de la structuration du mouvement et la culture du secret. Et je vais expliquer là en deux mots les principales manifestations de ces éléments. D'abord, il n'y a aucune structure qui se réclame directement du mouvement Gülen dans le monde, nulle part. Il n'y a pas non plus de statut commun qui unirait les différentes organisations fondées par les disciples, pas de porte-parole revendiquée, hein, Fethullah Gülen lui-même nie sa qualité de leader du mouvement religieux. Il n'y a pas d'organigramme connu par, que ce soit en interne ou en externe. Il n'y a pas d'existence juridique quelconque qui relierait différentes organisations. Les organisations qui sont construites par les fidèles dans le monde entier, donc principalement des écoles, mais il y a d'autres structures de commerce, des associations, des journaux, etc., dans le monde entier, mettent tout en avant l'absence de liens organiques qui les lieraient les unes aux autres. Il n'y a pas juridiquement de possibilité de retracer, a priori, de liens entre ces institutions. Et aucune de ces organisations ne porte donc de mention de leur appartenance à un groupe musulman transnational. Hein, c'est jamais ouvertement affirmé. En outre, de nombreux disciples, et même Fethullah Gülen, nient l'existence même d'un mouvement structuré, ni parfois même l'existence d'un mouvement qui existerait, et mettent plutôt en avant l'idée qu'il y aurait des initiatives privées dans le monde entier qui seraient inspirées par les préceptes de ce maître religieux qui est Fethullah Gülen, mais librement inspiré dans le monde entier, de façon totalement horizontale a priori. Donc ensuite, à l'absence de liens visibles, hein, qui sont directement repérables par le chercheur, évidemment il y a d'autres liens qu'on va pouvoir reconstituer a posteriori, s'ajoute l'ignorance de l'existence même d'un groupe religieux et de son maître, par la plupart des individus qui pratiquent les organisations du mouvement Gülen dans le monde. Donc à titre d'exemple, les élèves africains qui étaient scolarisés dans les écoles du mouvement Gülen dans leur pays d'origine méconnaissaient totalement l'existence de Fethullah Gülen, l'idée qu'il y avait un groupe derrière ça, etc., était pas du tout perçue. Et enfin, même chez les militants, donc chez les fidèles turcs qui partent ouvrir des écoles, notamment dans le reste du monde, la connaissance de la hiérarchie organisationnelle qui organise les actions est extrêmement limitée, hein, elle est limitée à quelques échelons de connaissances interpersonnelles, hein, des relations de face à face, ce qui est quelque chose, hein, qui se repère assez facilement dans les groupes, notamment religieux, qui ont subi la répression au Moyen-Orient. Hein, c'est l'idée que face à la répression, ça permet que si une personne tombe, la hiérarchie ne tombe pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une ou deux personnes qui peuvent tomber, et ça ne décapite pas la structure entière, la lignée de pouvoir entière. Pour autant, et c'est là qu'il y a un paradoxe sur lequel je vais essayer de réfléchir dans ce papier, les militants qui sont répartis, donc les militants turcs qui partent dans le monde entier pour ouvrir ces structures, donc dans plus d'une centaine de pays au monde, déjà on crée un groupe où on ne voit pas de scission apparente, hein, il n'y a pas de branche différente du mouvement Gulen dans le monde, il n'y a pas de, par exemple, de tradition religieuse parfaitement différente, il n'y a pas de concurrent qui prétendent concurrencer l'autorité de Fethullah Gulen. Il y a une grande cohérence dans les institutions, dans les organisations établies dans le monde par les fidèles, donc ça je pourrais détailler, enfin, elles se ressemblent, ça fonctionne de la même manière, les personnes en fait circulent d'une organisation à une autre, donc voilà, ça je peux détailler dans les questions. Mais surtout, et là c'est ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, on note en fait une grande cohérence dans les visions du monde et des fidèles, et dans les visions qu'ont les fidèles de leur place dans ce monde-là, notamment ce qui s'exprime par celle d'une vocation missionnaire, par le désir de départ en Afrique notamment, et on relève aussi des pratiques sociales et des modes de vie qui permettent de les distinguer radicalement, et qui sont radicalement spécifiques au fait, ce qu'on appelle les fethullahs, et qui se repèrent dans le monde entier. Et on note aussi le maintien sur le temps long de ces carrières militantes. Hein, c'est-à-dire, moi, en tant que chercheuse, je reconnais un Fethullah Gulen à 100 mètres, peu importe où il est dans le monde. Voilà. Donc, on va essayer de creuser ce paradoxe et se demander pourquoi il y a ces deux dynamiques et comment elles tiennent ensemble. Ce qu'on voit, on voit donc bien apparaître, ce que Muriel Darmon définit comme une transformation radicale de soi chez les fidèles, une véritable entreprise de rupture, planifiée et systématique, qui requiert des efforts et des techniques spécifiques et qui, je rajouterai, s'inscrit en plus dans le temps long, dans des carrières véritablement qui vont jusqu'à la fin de la vie, de la jeunesse jusqu'à la fin de l'existence pour le mouvement Gulen. Donc face à ces spécificités de l'institution que j'ai relevées, à ces paradoxes, l'approche par la sociologie des institutions, elle permet de dépasser la difficulté de l'analyse d'un groupe fondé sur l'informalité pour réfléchir de manière plus riche au mode de subjectivation des individus. Du coup, je reviens rapidement, c'est l'idée, ce qu'on peut penser aux régimes d'autorité, aux modalités de production de la croyance en l'institution, aux investissements différenciés qui en sont faits, selon les appartenances sociales des individus. Et on peut réfléchir aussi par ce biais, je pense, aux conséquences de cela sur la constitution des individus en tant que sujet. Comment ils se constituent en tant que sujet au sein de ces groupes. Et c'est là que se fait le lien avec la notion de subjectivation proposée par Foucault, qui permet, je pense, la jonction entre l'individuel et le collectif. Penser la subjectivation, c'est un moyen pour le chercheur de penser dans un même moment le devenir soi-même, donc la conversion des individus et leur perception subjective de ce changement radical, et ce devenir soi-même comme le résultat d'un travail institutionnel et de configuration de pouvoir spécifique. Ici, dans notre cas, dans l'institution Gulen. C'est aussi donc un moyen de combiner l'objectivé, les structures sociales, les rapports de pouvoir qui existent, et le subjectivé, les perceptions du monde et de leur position dans le monde qu'ont les individus suite à ce moment de conversion. Enfin, à cette conversion. Et donc là, je vais m'appuyer aussi sur Saba Mahmoud, qui travaillait sur le féminisme islamique en Égypte, qui s'inspire de Foucault très largement. On cherchera ici, donc avec, dans la même démarche que Saba Mahmoud, à étudier les conditions discursives et pratiques qui donnent naissance à différentes formes de désirs et de capacités d'action éthique, et notamment, dans notre cas, ce qui nous intéresse, la capacité d'agir sur soi comme produit de rapports de subjectivation spécifiques tels qu'ils se jouent dans l'institution Gulen. Donc, la capacité d'agir, en l'occurrence sur soi, sera ici abordée comme une des façons dont les normes, ici institutionnelles, sont vécues et habitées, désirées, atteintes et accomplies. Donc là, c'est une conception que Saba Mahmoud développe de l'agency, donc la capacité d'agir, où elle s'intéresse pas tellement aux résistances, elle s'intéresse à la capacité d'agir comme capacité d'habiter les normes, en fait. Voilà. C'est une approche particulière de la notion d'agency. Donc la question que je vais me poser ici, c'est: peut-on se convertir à une institution qui repose sur la négation même de son existence en tant qu'institution? Et si oui, quelle forme prend le travail institutionnel dans ce cadre informel? Donc ici, comme vous voyez, je cherche à étudier le travail institutionnel d'une institution invisible, ce qui n'est pas exactement la même chose que le travail invisibilisé d'une institution, bien que le travail invisibilisé, c'est une des modalités de fonctionnement d'une institution invisible. Voilà. Donc c'est pour montrer qu'il y a un légèrement décalé par rapport à d'autres présentations, mais c'est aussi un moyen de faire dialoguer. Donc je vais essayer de développer l'argument que les rapports de pouvoir, s'ils sont camouflés, pas seulement aux chercheurs, mais aussi dans la manière dont ils sont vécus par les individus, se maintiennent bien et sont objectivables. Ces rapports, donc après la phase d'objectivation, on peut noter que ces rapports ils prennent une forme sublimée par le biais d'un travail sur soi de l'individu, qui est articulé, dans le cas du mouvement Gulen, et c'est un peu la spécificité, à un travail sur le monde. C'est-à-dire le travail sur soi passe par le travail sur le monde. Travail sur le monde qui doit permettre aux militants de se rapprocher de Dieu. C'est le principe de Hizmet, que j'expliquerai beaucoup plus largement dans mon papier. C'est le service altruiste. Donc en ce qui concerne la méthodologie, je passe très vite. En fait, je m'appuie sur mon travail de thèse que j'ai fini il y a moins d'un an et qui... et notamment sur la partie, j'avais travaillé sur les Turcs et les Africains au sein de cette institution, donc là ce papier va s'appuyer plus largement sur les entretiens biographiques que j'ai menés avec une soixantaine de missionnaires turcs qui ont été rencontrés en Afrique subsaharienne ou qui étaient rentrés en Turquie suite à une mission en Afrique. Donc il y aura deux parties principales pour ma présentation. D'abord la conversion comme processus, hein, je vais un peu expliquer les étapes qui rendent possible une conversion au sein du mouvement Gulen, les modalités, les dispositions, les caractéristiques sociales qui les rendent possibles. Et dans un deuxième temps, je vais revenir justement sur cette notion d'Hizmet qui est vraiment fondamentale et qui, je pense, fonde la spécificité de la conversion au sein du mouvement Gulen par rapport à d'autres conversions, qui est le gouvernement des autres comme modalité de gouvernement de soi. Donc, en ce qui concerne d'abord la conversion comme processus hein, au sein du mouvement Gulen, j'ai un peu essayé d'expliquer ces carrières de conversion. Une conversion, c'est évidemment, comme bon, on est tous d'accord ici, hein, un travail sur soi qui se fait en interaction avec le travail de l'institution sur les individus. Et cette resocialisation, elle se fait en plusieurs étapes hein, qu'il faut que je vais établir ici brièvement. Pour essayer de voir les points intéressants au sein du mouvement Gulen. Donc d'abord, première étape, c'est le recrutement, qui se fait dans le mouvement Gulen chez des individus très jeunes, hein, ça se fait au cours de l'adolescence, à peu près tous les missionnaires à qui j'avais parlé avaient rencontré le mouvement Gulen d'une manière ou d'une autre avant leurs 18 ans, et qui, ce recrutement, se fait de manière très large, très largement socialement cernable, comme la jeunesse des individus issus de la Turquie anatolienne, hein, donc vous voyez la partie anatolienne de la Turquie, et issus de milieux sociaux populaires ou de classe moyenne inférieure. Pour ces individus, hein, un premier constat qui peut s'imposer, c'est que la conversion au mouvement Gulen, c'est un moyen d'amorcer une trajectoire sociale ascendante, hein, et je vais expliquer pourquoi. Pour ces individus où il y avait peu de possibilités d'ascension en Anatolie. En effet, donc j'explique, le gros du corps des missionnaires que j'ai rencontrés sur le terrain est constitué d'individus donc, issus de familles pauvres qui accèdent aux études grâce à une prise en charge par le mouvement Gulen. En effet, le mouvement Gulen propose un accueil pour les jeunes qui le souhaitent, qui peut constituer un recours pour ces enfants. Ils proposent des logements peu coûteux qui sont les yurts, les foyers universitaires, ou bien ce qu'on appelle les eshekavleri, les maisons de lumière, qui sont des espèces de colocations spirituelles qui sont proposées aux élèves et aux étudiants à des prix soit en fait conditionnés par le degré d'engagement religieux, donc qui peuvent aller jusqu'à la gratuité, ou qui dans tous les cas sont beaucoup plus faibles que les prix d'un dortoir public ou encore plus d'une colocation étudiante. De fait, il y a à rapprocher donc, ce profil d'individus qui ont besoin du mouvement Gulen et à qui ça permet de poursuivre des études, notamment en ville, hein, puisque le mouvement Gulen est très implanté dans les grandes villes, hein, les dortoirs et tout ça, c'est dans les principales agglomérations urbaines de Turquie. C'est à rapprocher du profil des oblats de l'Église catholique tels qu'ils ont été décrits par Bourdieu et Saint-Martin, ceux qui, voués et dévoués à l'institution, estiment tous les devoirs. Ce sont des jeunes gens d'origine populaire insérés très tôt dans l'institution, et qui acceptent de s'y dédier car ils sentent qu'ils lui doivent la vie. Ceci d'autant plus que les récits recueillis révèlent aussi l'importance de dispositions religieuses des futurs militants du mouvement. Alors ça, encore une fois, ça s'explique de manière très simple, c'est qu'en Turquie, les structures éducatives et para-éducatives du mouvement Gulen, donc les dortoirs, les maisons de lumière, ils ont aussi des écoles, ils avaient des écoles, des universités, des cours du soir, elles sont tout à fait identifiées comme telles par le public. Hein. En Turquie, elles s'identifient pas ouvertement comme appartenant au mouvement Gulen, mais elles sont identifiées par tous. C'est ce que Marie-Van Hessel appelle un secret public, en ce qui concerne les frères musulmans, c'est-à-dire que tout le monde le sait, mais il s'agit de ne pas le dire officiellement. Donc en tout cas, tout le monde sait que telle école est liée au mouvement Gulen, etc. Des familles, de fait, du coup, c'est les familles conservatrices hein, issues de ces milieux populaires qui choisissent d'envoyer leurs enfants pour des raisons de bonne moralité, qui sont donc a priori, si ce n'est pas forcément liées aux activités du mouvement Gulen, mais en tout cas qui n'ont pas de rejet de la démarche du mouvement Gulen, a priori. Et en effet, hein, certes, ces lieux, ils rassurent les parents... par le conservatisme moral qui règne, ils ont une réputation de bonne moralité, hein, tous ces dortoirs, ces écoles, etc. Et il s'avère que là, il y a un recoupement qui est possible à faire entre les choix religieux, la pratique religieuse et les milieux sociaux. En Turquie, les milieux religieux sont largement issus des classes moyennes et inférieures, et notamment en Anatolie, hein, la pratique religieuse est beaucoup plus forte et intense. Donc les milieux ruraux d'Anatolie qui sont surreprésentés dans le mouvement Gulen, c'est parce que ce sont ceux qui acceptent que leurs enfants soient pris en charge par le mouvement Gulen, et c'est la seule condition à laquelle ils laissent leurs enfants partir en ville. Hein. C'est-à-dire sinon, leurs enfants ne pourraient pas faire des études, ne pourraient pas partir en ville, resteraient dans le commerce et dans la ville, dans le village local. Premier constat, hein, là on est assez simple, c'est que évidemment il y a des conditions sociales qui rendent possible la resocialisation, un nouveau mode de vie. On ne se convertit pas hors de tout espace social, et évidemment la position sociale d'origine joue un rôle dans la possibilité ou non de rentrer dans cette trajectoire de conversion. Une fois recrutés, donc, les individus, donc ces jeunes personnes, qui en général sont au collège ou au lycée, hein, issus de milieux populaires et donc sont logés dans ces maisons de lumière, suivent des cours du soir du mouvement, etc., ils vont être insérés dans un dispositif institutionnel de façonnage du militant, donc là j'emprunte cette expression à Olivier Grosjean, qui se présente, c'est une des spécificités, comme un dispositif familial, un cocon familial, dont le caractère contraignant est invisibilisé. D'abord, déjà, le caractère totalisant, je vais insister sur le caractère totalisant de ces structures. C'est-à-dire, une fois qu'on rentre dans le mouvement Gulen, quand on est ado, il y a un certain nombre de structures qui vont constituer un maillage social et qui vont prendre totalement l'existence de l'individu entièrement. Donc il s'agit, hein, pour brièvement en parler, les écoles, donc, puisqu'ils vont être scolarisés au fur et à mesure dans les écoles du mouvement, les cours du soir, puisque le mouvement a des cours du soir qui l'ouvrent gratuitement à ceux qui se comportent bien dans les maisons de lumière, les maisons de lumière, donc ces colocations spirituelles, les activités extrascolaires qui sont complètement cadrées par les écoles ou au sein des maisons de lumière par le grand frère, je vais revenir sur cette figure, hein, c'est le mentor, disons, de la maison. Et en leur sein, hein, va être transmis donc, au sein de cette sphère vraiment englobante, hein, ils n'en sortent presque pas pendant toute cette adolescente, va être transmis par l'organisation même de leur existence, hein, par la forme même, par le rythme même de la vie, de nouvelles dispositions, et l'idée qui sont associées à l'idée de la bonne conduite musulmane, notamment, je ne décrirai pas ici, mais des manières des dispositions au désintéressement, hein, qui est lié à l'idée, hein, qui est répétée, ou aussi même l'organisation fait comprendre ça aux individus, que le groupe est plus important que l'individu, hein, l'individu importe peu, donc par exemple les individus sont mutés de maison de lumière tous les 2 ans pour éviter que justement des liens interpersonnels trop forts ne se créent, donc il y a l'idée d'interchangeabilité des individus, il y a plein de dispositifs qui font comprendre l'idée de que le groupe prévaut sur l'individu au sein du mouvement. Les liens familiaux sont peu à peu remplacés par la nouvelle famille que constitue l'organisation. Et s'appuyant sur cette métaphore de la famille, il y a l'idée de la docilité, hein, qui est due au respect de la famille, qu'on doit reproduire dans le mouvement Gulen. En ce qui concerne cette tendance, hein, cette idée d'une nouvelle famille, j'ai pas amené ici le témoignage, mais en fait, voilà, je me rappelle parfaitement, c'est... cette personne qui avait été amenée par erreur à cette réunion des grandes sœurs, c'est-à-dire les mentors femmes du mouvement, et qui avait assisté à, on leur expliquait comment recruter des fidèles petit à petit. Et il y avait 2 éléments qui sont très intéressants. C'est l'idée, c'était d'abord, il faut, ce que disait donc l'intervenante principale, d'abord, il faut que les individus disent bise pour parler des différentes organisations, BIS ça veut dire nous ou notre, BISIM. Donc il faut qu'ils disent notre journal pour parler du journal qui est lié au mouvement guélien, il faut qu'ils disent notre école. Donc c'est l'idée que ça devient le nôtre, que toutes les organisations qu'on connaît, que la syndicat d'hommes d'affaires, on dit notre syndicat, etc. Premier élément. Et deuxième élément, faut que, on disait à ces futurs mentors, il faut que vous deveniez une véritable famille pour eux, à tel point qu'ils n'aient plus besoin de leur famille d'origine. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir remplacer la famille. Et ça se manifeste, donc je reviens ici sur la figure du grand frère ou de la grande sœur, le habit ou la habla, hein. C'est cette figure-là qui est dans la maison de lumière, dans le logement, qui est en fait l'incarnation de l'institution pour ces jeunes pendant des années, c'est-à-dire l'institution c'est le grand frère, c'est la grande sœur, c'est rien d'autre. Et donc il joue bien, vous voyez, sur l'idée d'horizontalité hein, d'abord, notamment quand il y a des groupes de discussion religieux, le grand frère ou la grande sœur s'assoit par terre au même niveau que les autres, hein, cette idée d'horizontalité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité, hein, simplement un frère qui va tendre la main et guider les aider dans leur cheminement. D'autant plus, et là on retrouve des caractéristiques qu'a relevé Yannick, que ces individus, ce grand frère ou cette grande sœur, ils ont le même, en fait ils ont 2-3 ans de plus que les autres, ils sont eux-mêmes étudiants. Hein, par exemple, ça va être les étudiants de première année de fac, alors que le reste de la colocation sont des étudiants de lycée. Ils ont le même âge, ils ont le même stade, ils ont la même origine sociale. Donc il y a vraiment l'idée d'une identification possible face à ce frère. Et là, voilà, le visage de l'institution pendant des années pour ces individus, c'est le frère ou la sœur. Troisième étape hein, dans ce cheminement, c'est l'affirmation d'une vocation enseignante missionnaire. L'idée que, voilà, petit à petit, hein, à la fin de leurs études, ces individus vont, enfin certains des individus qui sont scolarisés et qui sont dans ce groupe-là, vont affirmer leur désir de partir et de partir en tant que missionnaire dans le monde. Donc, on peut se demander qui sont ceux qui, parmi le groupe de ces jeunes, acceptent de partir à l'étranger en tant qu'enseignant missionnaire. Très rapidement, les fils d'hommes d'affaires en Turquie, en fait, ils sont incités à poursuivre et à faire fructifier le business de leurs parents pour justement ramener des ressources au mouvement Gulen. Les meilleurs élèves, c'est-à-dire ceux qui excellent, sont orientés vers des métiers de la fonction publique. Hein. C'est un peu l'idée de noyautage de la fonction publique en Turquie, qui là maintenant ne marche plus, puisqu'il y a une grosse répression qui s'est faite et une grosse épuration dans l'appareil d'État turc. Et qui reste-t-il maintenant, une fois qu'on a enlevé les fils de commerçants et les élèves excellents qui vont être un peu les vitrines du mouvement Gulen, il reste les individus qui sont repérés comme étant les plus loyaux, les plus pieux, les plus dociles, et qui vont être incités à partir en tant qu'enseignants missionnaires. Et ça résulte notamment du fait que l'enseignement est montré comme la fonction la plus noble religieusement hein, dans les écrits de Fethullah Gulen, ce sont les héros qui risquent leur vie, etc. Donc il y a toute une mythologie de l'enseignant missionnaire dans lesquels sont bercés ces individus. Donc là, on voit bien que c'est certaines dispositions qui vont être repérées par l'institution comme compatibles à la trajectoire d'enseignants missionnaires, hein, plus que d'autres types de comportements, la docilité, le caractère pieux, et qui vont justifier leur départ comme enseignant en Afrique subsaharienne. Et cette disposition, elle va être à la fois testée et renforcée en tant que disposition par exemple, le fait qu'il y a des entretiens, une espèce d'entretien d'embauche au sein du mouvement, où on va leur dépeindre une vision monstrueuse de leur expérience à venir en Afrique. On va leur dire, alors vous êtes prêts à ne pas boire pendant une semaine, à ne pas manger, alors c'est la misère, etc. Pour un peu tester leur c'est aussi leur disposition à l'héroïsme, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont tenir. Alors, bon, évidemment, leurs conditions de vie, je ne rentre pas dans les détails, mais il n'est pas du tout. C'est des expatriés, en fait, donc ils ont une vie tout à fait confortable. Hein, ils boivent de l'eau en bouteille et tout va bien. Mais c'est vraiment cette exaltation, et on essaie de tester la disposition à l'héroïsme, et donc aussi le don de soi de ces individus. Donc ils ont tous été très soulagés en arrivant finalement en Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces individus font tous rétrospectivement un récit de leur départ comme une vocation enseignante, hein, la nécessité d'aider, le besoin de rendre service, le besoin de partir pour servir les autres et s'élever près de Dieu. La destination du séjour est toujours secondaire, hein, d'après dans la démarche, c'est le départ qui est important. Et donc il y a vraiment une volonté de départ. Donc là, je m'appuierai évidemment sur Charles Suau, qui interprète la vocation comme la rencontre de la subjectivité des individus, de leur position sociale et des nécessités de l'institution. On voit apparaître ça très clairement ici. Toutes les étapes précédemment exposées, hein, le recrutement, la formation, le test un peu des dispositions à l'héroïsme et à la docilité, c'est ce qui constitue les conditions objectives de la mise en forme de vocations professionnelles et religieuses, et qui rend désirable aux yeux de certains individus cette trajectoire. Et ça les conduit évidemment à reconstruire, je cite encore une fois Charles Suau, « reconstruire continuellement et de façon cumulative dans la logique de la pensée religieuse toutes les actions nécessairement concrètes et atomisées qui constituent la vie d'un individu en un ensemble systématique et signifiant, autrement dit une biographie religieuse. » Là, il y a une mise en ordre qui est très intéressante, parce qu'évidemment, quand on creuse, il y a eu des hésitations, il y a eu un moment le mentor qui a poussé à prendre ce choix d'études plutôt qu'un autre, mais dans la mise en récit, c'était, voilà, ça se fait de manière beaucoup plus fluide, et c'était un destin qui les amène en Afrique. Il y a l'idée de, la formule de destin est très employée par les missionnaires. Et donc ça passe aussi, ce désir d'ailleurs, hein, il passe aussi par l'inculcation de cadres cognitifs et de cette conduite éthique, sur laquelle je vais revenir dans un deuxième temps, qui passe par le service altruiste, l'ismet, qui est rendu désirable et auquel certains sont particulièrement sensibles. Dernier temps un peu de l'étape, c'est en fait simplement montrer que une fois qu'ils sont partis, je parle d'une formation continue du militant, elle continue en fait à l'international. Et là, on voit bien la gestion institutionnelle de la trajectoire de conversion qui s'appuie, et encore une fois, qui est sublimée, hein, puisqu'elle est jamais directement vécue comme un système de contraintes. Elle s'appuie sur le bonheur, hein, que les individus trouvent dans un mode de vie totalement tourné vers l'engagement et qui est radicalement distinct du mode de vie du reste de la société dans laquelle ils s'insèrent. Si les individus restent déconvertis à l'institution, c'est aussi, et là je cite Johanna Siméon et Jacques Lagrosse, c'est aussi pour ce qu'on peut y trouver à y en faire et pour les espaces de réalisation de soi qu'elles ouvrent. Et pour ça, le mouvement Nguyen est très fort, puisque en fait, la vie est tellement englobée, tout y est tellement mêlé, que le sens de la vie est inextricablement lié au mouvement Nguyen pour ces individus. Donc le coût de sortie est extrêmement élevé aussi, hein, puisque en fait les mariages sont organisés au sein du mouvement Nguyen, donc c'est des mariages arrangés, mais voilà. Ou en fonction de critères d'études et d'âge. C'est-à-dire au niveau, il y a des appariements qui sont faits par les grands frères et grandes sœurs entre des individus. Donc les gens sont mariés entre militants. Les amis, ce sont les missionnaires qui sont dans le monde aussi. Donc les amis sont aussi des militants. Le travail, on travaille dans les écoles du mouvement Nguyen. Et les hobbies, c'est les activités extrascolaires, les activités, les pique-niques, etc., qui sont à direction des populations locales pour sensibiliser au mouvement Nguyen. Donc l'intégralité de la vie est prise, les enfants sont aussi scolarisés dans les écoles, dans ce mouvement. Et c'est vécu sur un mode filial, encore une fois, hein, c'est l'amour de sa femme, c'est la métaphore de l'amour au groupe, et vice-versa. Donc, au cœur du maintien de la conversion, dont j'ai décrit brièvement les étapes ici, se trouve l'ISMET, le service altruiste, sur laquelle je vais revenir maintenant, et qui a une notion vraiment fondamentale, et je pense qui est vraiment spécifique et intéressant pour comprendre la conversion au mouvement Nguyen. Donc ISMET, donc service altruiste, hein, littéralement, avec un H majuscule, ça renvoie au nom que donnent les individus au mouvement Nguyen. C'est-à-dire les individus, eux-mêmes, ils parlent jamais de mouvement Nguyen, ils parlent de ISMET. J'appartiens à l'ISMET, ou on est inspiré par l'ISMET, voilà, les amis de l'ISMET, etc. Donc c'est avec un H majuscule, c'est le mouvement Nguyen tel que l'appellent ses membres. Avec un H minuscule, ça renvoie à ce principe d'action, hein, le service altruiste, ce principe d'action individuel, servir les autres, qui est fondamental pour saisir les carrières de conversion des individus à cette institution. Donc en effet, je vais revenir vraiment de manière un peu approfondie sur cette notion qui me semble très, très intéressante ici. Nguyen a développé, donc ce guide religieux, a développé une théologie de l'ismet, selon laquelle les croyants doivent s'engager afin de soigner les maux de l'humanité qui sont... j'ai oublié, ça c'est... L'intolérance, la pauvreté et... J'ai oublié. Et plein d'autres choses. Bon, l'intolérance, la pauvreté et la guerre ou quelque chose comme ça. C'est ici, hein, cette notion, elle permet d'articuler, de comprendre la notion, la conduite éthique, hein, c'est une expression développée par Marie Van Etzel, qui est une synthèse de la conduite de vie de Weber et les techniques éthiques de soi de Foucault, et donc d'articuler gouvernement des autres et gouvernement de soi. En effet, la modalité principale de la conversion de l'individu à cette conduite éthique est celle de l'engagement dans le monde, qui s'appuie aussi sur la notion d'une purification par le travail et par l'engagement dans le monde. Par contraste avec certains groupes musulmans qui prônent l'ascèse et le retrait du monde, là il s'agit de se purifier par le travail et donc par l'insertion dans la société. Et cette recherche de purification par l'insertion dans la société, elle implique, contrainte institutionnelle sublimée, un contrôle de son existence au quotidien, puisque dans la théologie développée par Gulen, Dieu surveille chacun de nos actes, même s'il n'y a pas d'institution ou de grand frère pour nous surveiller. Et donc cela implique aussi deux autres notions périphériques qui permettent de comprendre. D'abord la sincérité des intentions, c'est le ikhlas, donc l'idée d'une pureté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mentir, puisque Dieu, même si vous mentez à vos frères, Dieu il saura que vous mentez. Donc l'idée qu'il faut devenir moralement cet être humain et pas seulement agir en tant que tel, et le contrôle des pulsions, ce qu'on appelle le nefs, c'est les pulsions contre lesquelles il faut en permanence se maintenir. Troisième notion qui permet de comprendre l'ismet, c'est la notion de fedakarlık, c'est le sacrifice de soi, qui est au cœur de toute action sociale. C'est parce que c'est difficile que les militants doivent agir dans le monde. C'est pas malgré la difficulté, c'est finalement la difficulté ajoute à la beauté de l'engagement et à l'élévation morale et spirituelle. Les épreuves endurées sont perçues comme autant d'étapes vers Dieu. Là, on retrouve ce qu'avait relevé Hirschman sur le pèlerin, qui est en quête d'aventure spirituelle et pour lequel, évidemment, les inconforts du pèlerinage ne s'imputent pas en négatif sur l'expérience, mais à l'inverse, s'y ajoutent. Ça fait partie du cheminement. En véritable militant, les souffrances et les sacrifices consentis s'ajoutent à la quête spirituelle des disciples et tout l'adjeu pour les élever plus près de Dieu. Et là, c'est ce que Rosavetta Kanter avait montré, la corrélation positive qui existe entre sacrifice et investissement dans l'engagement. Ce qui est quelque chose de très intéressant. Plus le sacrifice est coûteux, plus forte va être la valeur placée par les individus dans les objectifs collectifs à atteindre. C'est-à-dire, plus on sacrifie, plus l'importance du mouvement va être centrale pour les individus. Et donc, plus la dépendance au sentier va s'approfondir. L'exaltation du sacrifice de soi, là, c'est l'idée que, des manifestations, c'est au départ en Afrique, ils nous disent, on est prêt à mourir, je suis prêt à donner ma vie s'il le faut, etc. Peu importe le décalage objectif qui est très intéressant avec leur position dans le pays d'accueil, où ils sont, je répète, des expatriés confortables. Mais l'idée, c'est que cette exaltation du sacrifice de soi, qui est perçue comme un travail éminemment individuel par les individus, on se sacrifie, on n'est pas sacrifié par l'institution, c'est donc une des modalités aussi concrètement de sécurisation de l'engagement des fidèles au sein de l'institution et donc de confirmation de leur conversion au fil des jours. D'autant plus que l'invisibilité et l'informalité de l'institution, dont j'ai parlé au début, qui se caractérise par l'absence de structure organisationnelle codifiée et connue de tous, par l'injonction aussi à l'adaptation selon les différents contextes locaux, les organisations locales se caractérisent aussi par leur grande adaptabilité selon les pays. C'est en fait, paradoxalement encore une fois, un moyen de renforcer la prise de l'institution sur les individus. Je vais expliquer pourquoi. C'est que, selon les préceptes Fethullahjah, le bon militant, il doit savoir s'insérer dans différents univers sociaux afin de tester et de renforcer sa foi et donc son engagement dans l'institution. Donc l'idée d'aller vers le monde, c'est aussi un test de sa foi. Donc c'est un moyen de renforcer sa différence par rapport aux autres. Donc partir en mission, c'est pas seulement risquer sa vie telle qu'ils le perçoivent, c'est aussi risquer leur foi. Et ça, c'est une des volontés. C'est prendre des risques en se confrontant à une société qui est perçue comme une société malade. Alors là, n'en parlons pas des sociétés africaines, qui sont les sociétés barbares par excellence. Et donc c'est plutôt chouette pour le militant, parce que ça l'aide dans son test. Là, c'est le test ultime, l'Afrique. Cet effet d'immersion dans la société, paradoxalement, il vient renforcer ce que Jacques Lagrois appelle des effets de frontière, c'est-à-dire l'idée de faire groupe, de partager l'idée qu'on détient la vérité de la pratique religieuse et qu'on se distingue, et en se distinguant, qu'on manifeste sa supériorité. Et donc, on distingue un au-dedans et un au-dehors, bien que cet au-dedans et au-dehors, il se dilue dans la société, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas a priori. L'idée, c'est de s'engager pour guérir le monde qui est malade, sans pour autant laisser le monde atteindre les fidèles. Et pour ça, c'est aussi pour ça que la phase antérieure, dont je vous ai parlé, d'englobement de l'adolescence, c'est aussi une phase qui est censée être une phase un peu d'incubation où on donne les réserves morales à l'individu pour qu'ensuite il puisse se lancer dans le monde malade et tenir le coup. C'est ce qu'explique une des figures du mouvement Gulen que j'ai rencontré en Turquie, qui est un ancien professeur et qui maintenant est était un des journalistes importants en Turquie dans le journal Zaman, qui est maintenant fermé, et lui s'est exilé ou alors est en prison. Donc il explique. Il serait beaucoup plus facile pour nous d'être de bons musulmans si l'on se contentait de respecter les 5 piliers de l'islam. Mais nous voulons mettre à l'épreuve notre foi pour prouver à quel moyen nous sommes croyants. Par exemple, tu vois, Fethullah Gulen, il nous incite à nous intégrer dans différentes sociétés, à dialoguer avec des gens non religieux, à agir partout. Ainsi, par exemple, je serre la main à des femmes que je rencontre pour mon travail, je travaille avec elles. Et là, il m'avait serré la main au début. C'est une mise à l'épreuve, car je me mets en danger. Donc il teste, là, il met en danger sa nefs, là, les pulsions charnelles. Je me mets en danger en faisant cela tout en restant religieux. Je me teste, alors qu'il serait beaucoup plus facile de dire « Oh non, je ne touche pas les femmes, car ma religion me l'interdit », et de rester chez moi. Donc la mise à l'épreuve, elle se fait par l'action, l'engagement dans la société, le dialogue avec des gens d'autres religions. Donc c'est-à-dire, l'idée, c'est de se mettre hors de sa zone de confort pour renforcer sa foi. Donc plus encore, là, c'est ce qui est intéressant, c'est aussi un intérêt institutionnel de cette valeur-là, de cette idée-là, c'est que le pragmatisme et l'adaptabilité selon les contextes, hein, qui fait qu'on doit, par exemple, serrer la main d'une femme dans un pays où c'est une évidence pour elle, etc., si elle vient avec la main, on doit le faire, alors que, je rappelle, c'est inconcevable que cette même personne serre la main d'une militante turque du mouvement Gulen, ça serait vraiment une folie, c'est-à-dire qu'il ne touchera jamais une des autres missionnaires. Par contre, il va serrer la main de Madame la maire ou de moi qui vient leur parler, etc. Donc ce pragmatisme, hein, et cette adaptabilité, hein, un peu, sont pas perçus par ces membres comme un impératif exclusivement organisationnel. Hein, donc là, encore une fois, c'est pas pour nous étendre en tant qu'institution, il faut qu'on s'adapte selon les contextes. C'est pas comme ça que c'est formulé, que c'est perçu par les individus. Cet engagement et cette adaptation, ils sont pas non plus vus comme un opportunisme, hein, ce qui est quelque chose qui a été souvent reproché par d'autres groupes religieux au mouvement Gulen, dans lesquels les fidèles se fourvoieraient, hein, ils perdraient leurs principes, mais à l'inverse, une manière de confirmer la dévotion, et donc de se rapprocher de Dieu, et plus encore un moyen de travail sur soi, c'est-à-dire c'est par l'action qu'on s'élève moralement, par ce test qu'on renforce et donne forme à sa moralité supérieure. De cette conception découle le fait que l'institution, que l'insertion dans de multiples contextes sociaux va... non pas créer des risques de scission, mais renforcer le groupe en tant que tel. Être dans le monde comme missionnaire, parfois seul, c'est en fait un moyen de travailler à sa conduite éthique, et par là même un moyen pour l'institution de renforcer l'appartenance à l'institution religieuse. Donc là, je vais développer un propos qui est celui de Saba Mahmoud, donc en Égypte, sur le mouvement de piété. Elle s'intéresse à ce qu'elle appelle la morphologie de l'action. Donc la forme de l'action des individus, les techniques de soi qu'ils mettent en œuvre ne sont pas seulement, et là je pense que c'est un point assez important, c'est pas seulement la manifestation d'une éthique, hein, c'est comme, pardon, porter le voile, c'est pas une expression de la modestie, c'est de la disposition à la modestie, c'est une manière de devenir modeste, c'est-à-dire la forme de l'action crée des valeurs et crée une spiritualité, crée un niveau de moralité, crée la conduite éthique. Et donc c'est ici que s'articule, pour le cas du mouvement Gulen, la conduite comme manière de se comporter, la conduite comme le fait de guider les autres. En effet, hein, parce que l'objectif de ces missionnaires, c'est évidemment de transmettre une conduite éthique, hein, à défaut de transmettre une conversion religieuse à proprement parler, c'est de convertir au sens plus sociologique du terme, justement. Pour cette conduite éthique, il s'agit d'être exemplaire auprès des jeunes qui sont formés. Hein, c'est la notion de temsil, qui est la notion d'exemplarité qui est centrale dans le mouvement Gulen. Il n'y a pas de tébli, il n'y a pas de prosélytisme directement. On ne passe pas par la parole, on passe par l'exemplarité. Et donc là, la morphologie de l'action du comportement des individus est centrale dès lors, puisque c'est les individus qui doivent porter l'institution et l'incarner au quotidien. Ainsi, un entrepreneur turc au Sénégal, qui a d'environ 45 ans, donc un entrepreneur du mouvement Gulen, installé la première fois à l'étranger, m'explique à propos de la question de l'hygiène. Enfin, c'est très intéressant. Il dit, ici au Sénégal, la prière est très importante. Donc il parle des Sénégalais qui sont eux-mêmes musulmans très largement. Mais la propreté n'est pas si importante. La propreté générale du pays n'est pas si importante, je veux dire. Il y a un dicton de notre prophète, tu sais, qui dit que la propreté, c'est la moitié de la foi. Temizlik imanen yaresedol, la moitié de la foi. Alors, il y a un problème au Sénégal. Donc nous, les Turcs de l'Izmet, c'est moi qui rajoute, qu'est-ce qu'on fait ? On nettoie tout le temps notre bureau. Par exemple, nous, on va constamment nettoyer cette table. On fait attention, parce qu'on ne veut pas créer un inconfort chez les autres, aussi à toujours sentir bon. Alors eux, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, nous aussi, on doit suivre les principes musulmans donnés par Dieu. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette idée de conduite éthique et d'exemplarité, en Afrique, elle se décline énormément sur le rapport au corps et à l'hygiène. Hein. C'est évidemment structuré sur des lectures racistes des rapports entre les mondes. Et donc elle s'articulait, elle se déclinait en Afrique, hein, cette idée d'exemplarité, par l'hygiène notamment. Ça, c'était un truc dont tout le monde me parlait. Voilà, je vais passer sur la perception. Donc là, on voit bien la centralité de la forme de l'action comme manière d'élévation spirituelle, d'une part de soi, et aussi d'élévation spirituelle des autres, qui vont être conduits à changer leur pratique peu à peu. Et ce, d'autant plus que dans une institution invisible, les militants renforcent leur conversion, en affirment, puisque, d'après eux, il n'y a pas de règle, c'est une évidence pour nous de se comporter ainsi. Donc on ne se comporte pas de manière exemplaire parce qu'on y est forcé, on se comporte parce que c'est devenu pour nous comme une seconde nature. Et donc là, c'est évidemment l'habitus qui rentre en jeu. Donc, en absence de statut codifié, de règlement formellement institué, le mouvement Gulen va s'objectiver par les corps des individus qui se doivent de porter l'institution en l'incarnant. C'est le témoignage de Messout, un ancien enseignant qui dirige une plateforme de dialogue interreligieux que j'ai rencontré au Kenya et qui explique « Tu vois, nous, on vit les principes... » Donc le « nous » toujours indéfini, il n'y a pas de mot, mais c'est le « voilà, encore une fois, le « bise ». On vit les principes au jour le jour. On les incarne même. On n'a pas de règlement pour une organisation. On n'a pas quelque chose écrit qui nous dicterait tout ce qu'on doit faire. Disons qu'on apprend de nos aînés. On n'a pas besoin de livres pour savoir comment nous comporter. Comme un enfant va respecter ses parents, tout comme une mère va aimer son enfant, sans avoir lu le livre pour lui dire quoi faire, pour nous, c'est naturel. Nous, c'est pareil. Certaines choses nous semblent évidentes. Donc c'est cette intériorisation réussie d'une institution qui apparaît ici. L'idée d'évidence... Pour lui, il n'y a pas besoin de contraintes, mais simplement de prendre modèle sur les aînés d'une manière parfaitement qui est perçue comme parfaitement spontanée. Donc ici, ce qu'on voit bien, c'est que l'objectivation de l'institution Gulen, elle passe très largement, pas exclusivement, mais elle passe très largement par les rôles que les individus y tiennent, plus que par les manuels textuels. Et donc, cette absence de statut contraignant et tout ça, elle vient renforcer, sublimer cet engagement au sein du mouvement Gulen comme un mouvement naturel des individus. Donc, la conduite éthique, elle permet d'articuler à la fois le rapport des militants à l'institution et le rapport des militants au reste du monde. Donc, pour conclure, je vais juste dire que cette conversion des individus au sein du mouvement Gulen, ça c'est une évidence en sociologie, la conversion, c'est pas proprement individuel, on le sait, c'est pris dans des phénomènes sociaux collectifs. Mais dans le cas du mouvement Gulen, je dirais qu'elle est doublement prise dans des rapports collectifs. Dans des rapports de pouvoir collectif, d'une part parce que, évidemment, comme toute conversion individuelle, elle est prise dans des rapports de pouvoir, on l'a vu, dans une position d'individu dans les espaces sociaux, etc. Et d'autre part, et c'est là que c'est peut-être une spécificité du mouvement Gulen, parce que dans le mouvement Gulen, le gouvernement de soi passe par le gouvernement des autres. C'est l'ISMET, le service altruiste. Donc le régime de gouvernementalité, qui est propre à ce mouvement, il articule la réforme de soi à la réforme de la société, dans son ensemble. Et donc, ce qui révèle la dimension éminemment politique de ce projet réformateur qui passe par le bas. Je vous remercie.